quando veio a saber, veio a saber. Yatsu way and well sans de moi you a sand in silver. Thank you. père et d'être sans chacun son homme qui peut se mettre à celle-ci n'est pas la possession de l'être humain. Elle nous accueille, elle nous nourrit, sans qu'il soit question de l'impossible. Père de liberté, liberté de faire d'être. Quand l'homme cessera-t-elle de ne plus être la cause du malheur. to a while.